319. Observation. Singular and plural. Un professeur plus un professeur, des professeurs. Une étudiante plus une étudiante, des étudiantes. Un ami plus un ami, des amis. Une jeune fille plus une jeune fille, des jeunes filles. Un jeune homme plus un jeune homme, des jeunes gens. Une jeune fille plus un jeune homme, des jeunes gens. Note that a final S is usually the mark of a plural, des professeurs. The plural of jeune homme is jeunes gens. Jeunes gens is also the plural expression for a mixed group, one or several young women with one or several young men.